Livre onzième, chapitre 2. La creatura bella bianco vestita. Dante. Quand Quasimodo vit que la cellule était vide, que l'Égyptienne n'y était plus, que pendant qu'il la défendait on l'avait enlevée, il prit ses cheveux à deux mains et trépigna de surprise et de douleur. Puis il se mit à courir par toute l'église, cherchant sa bohémienne, hurlant des cris étranges à tous les coins de mur, semant ses cheveux rouges sur le pavé. C'était précisément le moment où les archers du roi entraient victorieux dans Notre-Dame, cherchant aussi l'Égyptienne. Quasimodo les y aida sans se douter, le pauvre sourd, de leurs fatales intentions. Il croyait que les ennemis de l'Égyptienne, c'étaient les truands. Il mena lui-même Tristan l'ermite à toutes les cachettes possibles, lui ouvrit les portes secrètes, les doubles fonds d'autel, les arrières sacristies. Si la malheureuse y eût été encore, c'est lui qui l'eût livrée. Quand la lassitude de ne rien trouver eut rebuté Tristan, qui ne se rebutait pas aisément, Quasimodo continua de chercher tout seul. Il fit 20 fois, 100 fois le tour de l'église, de long en large, du haut en bas, montant, descendant, courant, appelant, criant, flairant, furetant, fouillant, fourrant sa tête dans tous les trous, poussant une torche sous toutes les voûtes, désespéré, fou. Un mâle qui a perdu sa femelle n'est pas plus rugissant ni plus hagard. Enfin, quand il fut sûr, bien sûr, qu'elle n'y était plus, que c'en était fait, qu'on la lui avait dérobée, il remonta lentement l'escalier des tours, cet escalier qu'il avait escaladé avec tant d'emportement et de triomphe, le jour où il l'avait sauvée. Il repassa par les mêmes lieux, la tête basse, sans voix, sans larmes, presque sans souffle. L'église était déserte de nouveau et retombée dans son silence. Les archers l'avaient quittée pour traquer la sorcière dans la cité. Quasimodo restait seul dans cette vaste Notre-Dame, si assiégée et si tumultueuse le moment d'auparavant, reprit le chemin de la cellule où l'Égyptienne avait dormi tant de semaines sous sa garde. En s'approchant, il se figurait qu'il allait peut-être l'y retrouver. Quant au détour de la galerie qui donne sur le toit des bas-côtés, il aperçut l'étroite logette avec sa petite fenêtre et sa petite porte, tapis sous un grand arc boutant comme un nid d'oiseau sous une branche. Le cœur lui manqua au pauvre homme, et il s'appuya contre un pilier pour ne pas tomber. Il s'imagina qu'elle y était peut-être rentrée, qu'un bon génie l'y avait sans doute ramenée, que cette logette était trop tranquille, trop sûre et trop charmante pour qu'elle n'y fût point. Et il n'osait faire un pas de plus, de peur de briser son illusion. Oui, se disait-il en lui-même, elle dort peut-être ou elle prie, ne la troublons pas. Enfin, il rassembla son courage, il avança sur la pointe des pieds, il regarda, il entra. Vide. La cellule était toujours vide. Le malheureux sourd en fit le tour à pas lents, souleva le lit et regarda dessous comme si elle pouvait être cachée entre la dalle et le matelas. Puis il secoua la tête et demeura stupide. Tout à coup il écrasa furieusement sa torche du pied et sans dire une parole, sans pousser un soupir, il se précipita de toute sa course, la tête contre le mur, et tomba évanoui sur le pavé. Quand il revint à lui, il se jeta sur le lit et s'y roula. Il baisa avec frénésie la place tiède encore où la jeune fille avait dormi. Il y resta quelques minutes immobile comme s'il allait y expirer. Puis il se releva, ruisselant de sueur, haletant, insensé, et se mit à cogner les murailles de sa tête, avec l'effrayante régularité du battant de ses cloches et la résolution d'un homme qui veut l'y briser. Enfin, il tomba une seconde fois épuisé. Il se traîna sur les genoux hors de la cellule et s'accroupit en face de la porte dans une attitude d'étonnement. Il resta ainsi plus d'une heure sans faire un mouvement, l'œil fixé sur la cellule déserte, plus sombre et plus pensif qu'une mère assise entre un berceau vide et un cercueil plein. Il ne prononçait pas un mot, seulement à de longs intervalles, un sanglot remuait violemment tout son corps, mais un sanglot sans larmes, comme ces éclairs d'été qui ne font pas de bruit. Il paraît que ce fut alors que, cherchant au fond de sa rêverie désolée quel pouvait être le ravisseur inattendu de l'Égyptienne, il songea à l'archidiacre. Il se souvint que Don Claude avait seul une clé de l'escalier qui menait à la cellule. Il se rappela ses tentatives nocturnes sur la jeune fille, la première à laquelle lui, Quasimodo, avait aidé, la seconde qui l'avait empêché. Il se rappela mille détails et ne douta bientôt plus que l'archidiacre ne lui eût pris l'Égyptienne. Cependant, tel était son respect du prêtre, la reconnaissance, le dévouement, l'amour pour cet homme avaient de si profondes racines dans son cœur qu'elle résistait même en ce moment aux ongles de la jalousie et du désespoir. Il songeait que l'archidiacre avait fait cela, et la colère de sang et de mort qu'il eût ressentie contre tout autre, du moment où il s'agissait de Claude Frollo, se tournait chez le pauvre sourd en accroissement de douleur. Au moment où sa pensée se fixait ainsi sur le prêtre, comme l'aube blanchissait les arcs boutants, il vit à l'étage supérieur de Notre-Dame, au coude que fait la balustrade extérieure qui tourne autour de l'abside, une figure qui marchait. Cette figure venait de son côté. Il la reconnut, c'était l'archidiacre. Claude allait d'un pas grave et lent. Il ne regardait pas devant lui en marchant. Il se dirigeait vers la tour septentrionale, mais son visage était tourné de côté vers la rive droite de la Seine, et il tenait la tête haute, comme s'il eût tâché de voir quelque chose par-dessus les toits. Le hibou a souvent cette attitude oblique. Il vole vers un point et regarde vers un autre. Le prêtre passa ainsi au-dessus de Quasimodo, sans le voir. Le sourd que cette brusque apparition avait pétrifié le vit s'enfoncer sous la porte de l'escalier de la tour septentrionale. Le lecteur sait que cette tour est celle d'où l'on voit l'hôtel de ville. Quasimodo se leva et suivit l'archidiacre. Quasimodo monta l'escalier de la tour pour savoir pourquoi le prêtre le montait. Du reste, le pauvre sonneur ne savait pas ce qu'il ferait, lui, Quasimodo, ce qu'il dirait, ce qu'il voulait. Il était plein de fureur et plein de crainte. L'archidiacre et l'Égyptienne se heurtaient dans son cœur. Quand il fut parvenu au sommet de la tour, avant de sortir de l'ombre de l'escalier et d'entrer sur la plateforme, il examina avec précaution où était le prêtre. Le prêtre lui tournait le dos. Il y a une balustrade percée à jour qui entoure la plateforme du clocher. Le prêtre, dont les yeux plongeaient sur la ville, avait la poitrine appuyée à celui des quatre côtés de la balustrade qui regarde le pont Notre-Dame. Quasimodo, s'avançant à pas de loup derrière lui, alla voir ce qu'il regardait ainsi. L'attention du prêtre était tellement absorbée ailleurs qu'il n'entendit point le sourd marcher derrière lui. C'est un magnifique et charmant spectacle que Paris, et le Paris d'alors surtout, vu du haut des tours de Notre-Dame, aux fraîches lueurs d'une aube d'été. On pouvait être ce jour-là en juillet, le ciel était parfaitement serein. Quelques étoiles attardées s'y éteignaient sur divers points, et il y en avait une très brillante au levant dans le plus clair du ciel. Le soleil était au moment de paraître. Paris commençait à remuer. une lumière très blanche et très pure faisait saillir vivement à l'œil tous les plans que ces 1000 maisons présentent à l'Orient. L'ombre géante des clochers allait de toit en toit, d'un bout de la grande ville à l'autre. Il y avait déjà des quartiers qui parlaient, qui faisaient du bruit. Ici un coup de cloche, là un coup de marteau, là-bas le cliquetis compliqué d'une charrette en marche. Déjà quelques fumées se dégorgeaient çà et là sur toute cette surface de toit, comme par les fissures d'une immense solfatare. La rivière qui fronce son eau aux arches de tant de ponts, à la pointe de tant d'îles, était toute moirée de plis d'argent. Autour de la ville, au dehors des remparts, la vue se perdait dans un regard cercle, de vapeurs floconneuses à travers lesquelles on distinguait confusément la ligne indéfinie des plaines et le gracieux renflement des coteaux. Toutes sortes de rumeurs flottantes se dispersaient sur cette cité à demi réveillée. Vers l'Orient, le vent du matin chassait à travers le ciel quelques blanches ouates arrachées à la toison de brume des collines. Dans le parvis, quelques bonnes femmes qui avaient en main leur pot au lait se montraient avec étonnement le délabrement singulier de la grande porte de Notre-Dame et les deux ruisseaux de plomb figés entre les fentes de grès. C'était tout ce qui restait du tumulte de la nuit. Le bûcher allumé par Quasimodo entre les tours s'était éteint. Tristan avait déjà balayé la place et fait jeter les morts à la Seine. Les rois comme Louis XI ont soin de laver vite le pavé après un massacre. En dehors de la balustrade de la tour, précisément au-dessous du point où s'était arrêté le prêtre, il y avait une de ces gouttières de pierre fantastiquement taillées qui hérissent les édifices gothiques. Et dans une crevasse de cette gouttière, deux jolies giroflées en fleurs, secouées et rendues comme vivantes par le souffle de l'air, se faisaient des salutations folâtres. Au-dessus des tours, en haut, bien au loin au fond du ciel, on entendait de petits cris d'oiseaux. Mais le prêtre n'écoutait, ne regardait rien de tout cela. Il était de ces hommes pour lesquels il n'y a pas de matin, pas d'oiseaux, pas de fleurs. Dans cet immense horizon qui prenait tant d'aspects autour de lui, sa contemplation était concentrée sur un point unique. Quasimodo brûlait de lui demander ce qu'il avait fait de l'Égyptienne, mais l'archidiacre semblait en ce moment être hors du monde. Il était visiblement dans une de ces minutes violentes de la vie où l'on ne sentirait pas la terre crouler. Les yeux invariablement fixés sur un certain lieu, il demeurait immobile et silencieux. Et ce silence et cette immobilité étaient quelque chose de si redoutable que le sauvage sonneur frémissait devant et n'osait s'y heurter. Seulement, et c'était encore une manière d'interroger l'archidiacre, il suivait la direction de son rayon visuel et de cette façon, le regard du malheureux sourd tomba sur la place de Grève. Il vit ainsi ce que le prêtre regardait. L'échelle était dressée près du gibet permanent. Il y avait quelques peuples dans la place et beaucoup de soldats. Un homme traînait sur le pavé une chose blanche à laquelle une chose noire était accrochée. Cet homme s'arrêta au pied du gibet. Ici, il se passa quelque chose que Quasimodo ne vit pas bien. Ce n'est pas que son œil unique n'eût conservé sa longue portée, mais il y avait un gros de soldats qui empêchait de distinguer tout. D'ailleurs, en cet instant, le soleil parut et un tel flot de lumière déborda par-dessus l'horizon qu'on eût dit que toutes les pointes de Paris, flèches, cheminées, pignons, prenaient feu à la fois. Cependant, l'homme se mit à monter l'échelle. Alors, Quasimodo le revit distinctement. Il portait une femme sur son épaule, une jeune fille vêtue de blanc. Cette jeune fille avait un nœud autour du cou. Quasimodo la reconnut. C'était elle. L'homme parvint ainsi en haut de l'échelle. Là, il arrangea le nœud. Ici, le prêtre, pour mieux voir, se mit à genoux sur la balustrade. Tout à coup, l'homme repoussa brusquement l'échelle du talon. Et Quasimodo, qui ne respirait plus depuis quelques instants, vit se balancer au bout de la corde, à deux toises au-dessus du pavé, la malheureuse enfant, avec l'homme accroupi, les pieds sur ses épaules. La corde fit plusieurs tours sur elle-même, et Quasimodo vit courir d'horribles convulsions le long du corps de l'Égyptienne. Le prêtre, de son côté, le cou tendu, l'œil hors de sa tête, contemplait ce groupe épouvantable de l'homme et de la jeune fille, de l'araignée et de la mouche. Au moment où c'était le plus effroyable, un rire de démon, un rire qu'on ne peut avoir que lorsqu'on n'est plus homme, éclata sur le visage livide du prêtre. Quasimodo n'entendit pas ce rire, mais il le vit. Le sonneur recula de quelques pas derrière l'archidiacre, et tout à coup, se ruant sur lui avec fureur, de ses deux grosses mains, il le poussa par le dos dans l'abîme sur lequel Don Claude était penché. Le prêtre cria « Damnation !» et tomba. La gouttière au-dessus de laquelle il se trouvait l'arrêta dans sa chute. Il s'y accrocha avec des mains désespérées, et au moment où il ouvrit la bouche pour jeter un second cri, il vit passer au rebord de la balustrade, au-dessus de sa tête, la figure formidable et vengeresse de Quasimodo. Alors, il se tut. L'abîme était au-dessous de lui, une chute de 200 pieds et le pavé. Dans cette situation terrible, l'archidiacre ne dit pas une parole, ne poussa pas un gémissement. Seulement, il se tordit sur la gouttière avec des efforts inouïs pour remonter. Mais ses mains n'avaient pas de prise sur le granit, ses pieds rayaient la muraille noircie sans y mordre. Les personnes qui ont monté sur les tours de Notre-Dame savent qu'il y a un renflement de la pierre immédiatement au-dessous de la balustrade. C'est sur cet angle rentrant que s'épuisait le misérable archidiacre. Il n'avait pas affaire à un mur à pic, mais à un mur qui fuyait sous lui. Quasimodo n'eut eu pour le tirer du gouffre qu'à lui tendre la main. Mais il ne le regardait seulement pas. Il regardait la grève, il regardait le gibet, il regardait l'Égyptienne. Le sourd s'était accoudé sur la balustrade, à la place où était l'archidiacre le moment d'auparavant. Et là, ne détachant pas son regard du seul objet qu'il y eut pour lui au monde en ce moment, il était immobile et muet, comme un homme foudroyé. Et un long ruisseau de pleurs coulait en silence de cet œil qui jusqu'alors n'avait encore versé qu'une seule larme. Cependant, l'archidiacre haletait, son front chauve ruisselait de sueur, ses ongles saignaient sur la pierre, ses genoux s'écorchaient au mur. Il entendait sa soutane, accrochée à la gouttière, craquer et se découdre à chaque secousse qu'il lui donnait. Pour comble de malheur, cette gouttière était terminée par un tuyau de plomb qui fléchissait sous le poids de son corps. L'archidiacre sentait ce tuyau ployer lentement. Il se disait, le misérable, que quand ses mains seraient brisées de fatigue, quand sa soutane serait déchirée, quand ce plomb serait ployé, il faudrait tomber. Et l'épouvante le prenait aux entrailles. Quelquefois, il regardait avec égarement une espèce d'étroit plateau formé à quelque 10 pieds plus bas par des accidents de sculpture, et il demandait au ciel, dans le fond de son âme en détresse, de pouvoir finir sa vie sur cet espace de 2 pieds carrés, dût-elle durer 100 années. Une fois, il regarda au-dessous de lui dans la place, dans l'abîme, la tête qu'il releva, fermait les yeux et avait les cheveux tout droits. C'était quelque chose d'effrayant que le silence de ces deux hommes. tandis que l'archidiacre à quelques pieds de lui agonisait de cette horrible façon. Quasimodo pleurait et regardait la grève. L'archidiacre, voyant que tous ses soubresauts ne servaient qu'à ébranler le fragile point d'appui qui lui restait, avait pris le parti de ne plus remuer. Il était là, embrassant la gouttière, respirant à peine, ne bougeant plus, n'ayant plus d'autre mouvement que cette convulsion machinale du ventre qu'on éprouve dans les rêves quand on croit se sentir tomber. Ses yeux fixes étaient ouverts d'une manière maladive et étonnée. Peu à peu, cependant, il perdait du terrain. Ses doigts glissaient sur la gouttière. Il sentait de plus en plus la faiblesse de ses bras et la pesanteur de son corps. La courbure du plomb qui le soutenait s'inclinait à tout moment d'un cran vers l'abîme. Il voyait au-dessous de lui, chose affreuse, le toit de Saint-Jean-le-Rond, petit comme une carte ployée en deux. Il regardait l'une après l'autre les impassibles sculptures de la tour, comme lui suspendue sur le précipice, mais sans terreur pour elle, ni pitié pour lui. Tout était de pierre autour de lui. Devant ses yeux, les monstres béants. Au-dessous, tout au fond, dans la place, le pavé. Au-dessus de sa tête, Quasimodo qui pleurait. Il y avait dans le parvis quelques groupes de braves curieux qui cherchaient tranquillement à deviner quel pouvait être le fou qui s'amusait d'une si étrange manière. Le prêtre leur entendait dire, car leur voix arrivait jusqu'à lui, claire et grêle, « Mais il va se rompre le cou !» Quasimodo pleurait. Enfin l'archidiacre, écumant de rage et d'épouvante, comprit que tout était inutile. Il rassembla pourtant tout ce qui lui restait de force pour un dernier effort. Il se roidit sur la gouttière, repoussa le mur des deux genoux, s'accrocha des mains à une fente des pierres et parvint à regrimper d'un pied peut-être. Mais cette commotion fit ployer brusquement le bec de plomb sur lequel il s'appuyait. Du même coup, la soutane s'éventra. Alors, sentant tout manquer sous lui, n'ayant plus que ses mains roidies et défaillantes qui tinssent à quelque chose, l'infortuné ferma les yeux et lâcha la gouttière. Il tomba. Quasimodo le regarda tomber. Cette chute de si haut est rarement perpendiculaire. L'archidiacre lancé dans l'espace tomba d'abord la tête en bas et les deux mains étendues. Puis il fit plusieurs tours sur lui-même. Le vent le poussa sur le toit d'une maison où le malheureux commença à se briser. Cependant, il n'était pas mort quand il y arriva. Le sonneur le vit essayer encore de se retenir au pignon avec les ongles. Mais le plan était trop incliné et il n'avait plus de force. Il glissa rapidement sur le toit comme une tuile qui se détache et alla rebondir sur le pavé. Là, il ne remua plus. Quasimodo alors releva son œil sur l'égyptienne, dont il voyait le corps suspendu au gibet frémir au loin sous sa robe blanche des derniers tressaillements de l'agonie. Puis, il le rabaissa sur l'archidiacre, étendu au bas de la tour et n'ayant plus forme humaine. Et il dit avec un sanglot qui souleva sa profonde poitrine, « Oh, tout ce que j'aime !»